donner à sa vie un nouveau sens. Quand j'étais jeune, je me suis embringué dans des plans dont je suis pas vraiment fier. On a tous le droit à une seconde chance, redonner à sa vie un nouveau sens. Tout le monde a droit à une seconde chance. Mon parcours est plutôt simple, pas plus différent qu'un autre, mais plus différent que ces hommes priant sur la terre sainte. Difficile de tenir le courant des hommes, surtout quand ils t'électrocutent par les mauvaises tensions des autres. Ici nous sommes des moulières incontestables, des malades imaginaires qui n'ont que leur vie pour théâtre. Politiquement incorrect, fallait que je m'adapte, fallait que je combatte mes démons, mais pour me relever, fallait que je rattrape toutes mes heures, mais le sablier du temps est trop long, trop lâche devant les pleurs de ma mère et celles de mon daron. Je suis du caractère où il est dur de s'excuser face à ceux qu'on aime réellement, dur de se plier, dur d'avancer quand les barrières de la famille veulent s'immiscer dans ta vie, quand ta tête ignore les interdits. Trop de mal à communiquer entre mère et fils, car dans ma tête c'est zone de quarantaine, mais ça je l'ai déjà dit. Les regrets hantent mes nuits, chaque jour que Dieu fait, quand chaque jour passé je lui devais amour, gloire et respect. On a manqué de vigilance, ment à tes pieds, je vais demander une seconde chance. On a tous le droit à une seconde chance, redonner à sa vie un nouveau sens. On vit comme on meurt, on rit comme on pleure ensemble. On a tous le droit à une seconde chance, redonner à sa vie un nouveau sens. On vit comme on meurt, on rit comme on pleure ensemble. Je me rappelle de cette nuit où j'avais une lame sur les veines, prêt à partir d'ici. J'avais trop mal pour pouvoir aimer la vie, comment pourrais-je vivre sans mon fils? Et je pleurais ma poésie avec les larmes d'un malade qui demande l'euthanasie. Je ne croyais plus en l'avenir, malgré tous mes disques d'or, je passais mon temps à me détruire. Mais c'était sans compter sur ma famille, mais c'était sans compter sur mes amis. Quand elles m'ont donné du love, qu'aujourd'hui en bonheur je suis devenu moins pauvre. Ils m'ont appris que dans le noir la foi servait de torche. Ils m'ont appris que la clé de mes chaînes est dans ma poche, qu'il n'y avait que ma main qui pouvait me tourner la roue, et qu'une montagne s'escalade si on s'accroche. Donc je me suis fait violence, me suis relevé, j'ai refoulé ma haine et me suis marié. Et là est venue Naya, ma fille adorée. Ma mère me dit toujours, fils va le voir. Elle me parle jamais un mal de lui le soir. Elle me transmet sa mémoire, car j'ai fait que la percevoir. C'est un jour comme un autre, je m'apprête à rejoindre Sia Style pour bosser le deuxième album des nôtres. Un peu de pétrole dans le Clio, je traverse le quartier, ses habitudes et ses minots. Deux jours avant, j'ai croisé mon frère Khalil, il m'a dit qu'il a vu que sa santé était fragile. J'irai le voir, après tout, c'est pas la première fois qu'il tombe malade. J'ai pas l'habitude de m'inquiéter pour lui, il n'était pas là. Donc je range cette histoire entre deux neurones, concentré à écrire le monde des stones. Entre deux joints de bombes, toujours debout entre deux verres de rhum. Et j'entends que mon portable sonne. Allô, attends, y'a trop de musique, là je sors dehors. Je crois que c'est ma fille, mais en fait c'est ma mère. C'est pas dans ses habitudes de parler doucement au fort, car elle crie tout le temps comme quand elle appelle aux Comores. Donc je lui demande qu'est-ce qui se passe. Je t'entends pas, parle plus fort. La pauvre, elle était déjà à son maximum. Elle m'annonce la mort de mon père. J'avais la chance de mieux le connaître, mon père. On a tous le droit à une seconde chance, redonner à sa vie un nouveau sens. On vit comme on meurt, on rit comme on pleure ensemble. On a tous le droit à une seconde chance, redonner à sa vie un nouveau sens. On vit comme on meurt, car on a tous droit à une seconde chance. Ignorance ou inconscience, on avance, on apprend. Pardonne car Dieu est grand et le destin fera le reste. Moi je suis rien, moi j'atteste. J'te comprends, j'te pardonne car Dieu est grand. On a tous le droit à une seconde chance, redonner à sa vie un nouveau sens. On rit comme on meurt, on rit comme on pleure ensemble. On a tous le droit à une seconde chance, redonner à sa vie un nouveau sens.